Il est en plastique. On peut le cramer à la rigueur, mais... T'inquiète. Abrasif. Abrasé. Perte de vitesse. Annihilation. Désastre. Désastre. Attraction, désastre. Est-ce une vraie? Désastre. Heureusement. Interprétation. Le début d'une croyance. Ouais. Ça sera le début d'une police, ouais. Police. Mythe. Et police aimée. Puis le début on nous avait promis le désastre, la catastrophe, Désastre et moi. De vaste étendue de terre. Des câbles. Câble et moi. J'étais de bonne foi pour...